Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumé du Pré 1860. Question 118. De la propagation humaine quant à l'âme. L'âme sensitive des animaux est transmise dans la génération, il n'en est pas de même de l'âme intelligente, elle est créée en même temps que le corps. 1. L'âme sensitive se transmet-elle dans la génération? L'âme sensitive des animaux n'est point une substance qui possède de soi l'être et l'opération, ce qui le prouve, c'est qu'elle périt quand on détruit leur corps. Elle existe à la manière des autres formes corporelles, qui n'ont pas l'être par elles-mêmes, et qui ne sont dites existantes qu'autant que certains êtres composés sont subsistants par elles. Aussi est-ce aux êtres composés eux-mêmes qu'il convient d'être fait ou produit. Et comme le générateur est semblable à l'être engendré, il en résulte que, dans la génération des animaux ou des plantes, les âmes sont produites par une certaine vertu qui est transmise au sang ou à la semence génératrice. 2. L'âme intelligente provient-elle de la génération? Il est impossible que la vertu active de la matière aille jusqu'à produire l'âme immatérielle et intelligente, qui a des opérations indépendantes du corps. Dire qu'une telle âme se transmet par la génération, ce serait prétendre qu'elle n'est pas un être subsistant, et que, par suite, elle se corrompt en même temps que le corps. L'âme humaine reçoit l'être par une création de Dieu. Tout autre enseignement serait une doctrine hérétique. Note. Il y en a qui ont prétendu que les opérations vitales du fœtus ne proviennent pas de son âme. Ils se sont trompés, les opérations vitales, telles que sentir, se nourrir, se développer, ne sauraient avoir pour cause un principe extérieur. L'âme existe dans l'embryon. Elle se révèle d'abord par la nutrition, plus tard par la sensation, et, en dernier lieu, par l'intelligence, car ce sont là trois fonctions de la même âme, et non pas trois âmes, comme quelques-uns l'ont pensé. On ne peut pas même dire que, subissant des phases diverses, la même âme soit d'abord simplement végétative, ensuite sensitive par un effet de la vertu génératrice, et enfin intellective par la puissance de Dieu qui vient l'éclairer. Outre qu'aucune forme substantielle n'est susceptible du plus ou du moins, voici un raisonnement qui montre clairement l'impossibilité d'une telle supposition, ou bien la chose que Dieu produit en dernier lieu est un être subsistant. Et dès lors il faut qu'elle soit essentiellement distincte de celle qui l'a précédée, laquelle n'était pas subsistante, et nous retombons dans le système de la pluralité des âmes chez le même homme. Ou bien la dernière chose produite par Dieu n'a pas de subsistance, et alors il faut admettre que l'âme meurt avec le corps, ce qui n'est pas vrai. Disons, conséquemment, que Dieu, au dernier instant de la génération humaine, crée une âme qui est tout à la fois intellective, sensitive et nutritive, laquelle s'unit à la matière que le principe générateur a mise à sa disposition. Fin de la note. 3. Toutes les âmes ont-elles été créées à la fois? Dieu n'a pas commencé son œuvre par des choses imparfaites, ce qui lui fait, s'il avait créé, avec les anges, dès le commencement du monde, toutes les âmes à la fois. En effet, il est naturel à l'âme d'être unie à un corps, si elle eût été privée d'un corps dans le principe, elle aurait manqué de la perfection propre à sa nature. Pourquoi donc celui qui n'a pas fait l'homme privé, d'une main ou d'un pied, aurait-il produit l'âme sans lui donner un corps? Il faut dire absolument que les âmes ne sont pas créées avant les corps, mais qu'elles le sont successivement en même temps que les corps qu'elles animent. Si l'âme, après la vie, subsiste sans le corps, c'est une conséquence du péché. Il ne convenait pas qu'il en fût ainsi à l'origine des choses. Dieu, dit la sagesse, n'a pas fait la mort, les impies seuls l'ont appelé par leurs œuvres. Sagesse 1, 13. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.